Mais je l'avais presque oubliée, tant elle est omniprésente, il y a la beauté. Celle qui s'affiche, parade et provoque tout ce qui ne lui ressemble pas. Ne serait-ce qu'à voir les publicités géantes sur les monuments historiques de Paris, elle est partout. On la vend, on l'achète, on la consomme de mille et une façons. Elle s'est même installée en injonction qui rythme nos vies, visant à un constant renouvellement de tous les aspects de l'existence. Et il n'y aurait rien de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous portons, de ce que nous traversons, de ce que nous ingurgitons, qui n'ait été d'abord esthétisé. Annie Lebrun, philosophe, écrivain et poète, est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre « Ce qui n'a pas de prix » et on commence en musique avec Benjamin Clémentine. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream. I smile, I walk, I cry, I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day. Just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one morn. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light. Fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. But I dream, I smile, I walk, I cry, I dream. I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. Far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Thank you. Il ne se plaint pas, Benjamin Clémentine. Il préfère rêver, rêver et espérer et croire en la force de ses rêves. Et vous aussi, Annie Lebrun, cela fait maintenant plus de 40 ans que vous croyez à la force du rêve, au lendemain de l'insoumission, au futur de l'utopie. Vous publiez ces jours-ci un livre important qui s'intitule « Ce qui n'a pas de prix », sous-titre « Beauté, laideur et politique ». Vous aviez commencé en 1977 avec « Lâcher tout ». Et puis depuis, l'œuvre s'est construite dans différents registres, philosophiques, poétiques, politiques. Vos figures tutélaires, vos maîtres sont Sade, le divin marquis, et puis aussi Victor Hugo. Il y en a d'autres aussi, tous les maîtres du surréalisme. En vous, il y a une force de conviction, un enthousiasme contagieux et aussi une grande colère. D'où vient cette colère ? Est-ce qu'elle vient de l'enfance ou est-ce qu'elle vient du monde qui nous entoure ? Elle vient des deux. Elle vient du fait que il y a beaucoup de choses qui sont pour moi un objet d'émerveillement. Et justement, avoir les merveilles qu'il y a dans le monde qui nous sont offertes, et bien ma colère et ma révolte est à la mesure justement de ce sentiment d'émerveillement. Surtout de constater comment constamment il y a toujours des forces qui essayent d'amoindrir, d'assujettir et de rendre la vie la plus inacceptable possible. Est-ce que ce sont les rêves qui ont commencé à construire votre imaginaire et votre rapport au monde ? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas répondre à ça. Parce que dans ce dernier ouvrage, vous parlez beaucoup de la force du rêve, de la possibilité de croire en une autre chose que la réalité. Et vous distinguez la réalité qui nous environne et que nous subissons quelquefois involontairement avec finalement une forme de beauté du monde que nous ne voyons plus. Oui, il y a cette chose qui a été dite par quelqu'un qui était proche de Hegel, je crois, il s'appelle Troxler, qui dit « il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Effectivement, il s'agit de voir les choses et de passer outre à toutes les formes d'empêchement, de toutes les constructions sociales, morales, etc., qui empêchent justement l'accès à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut découvrir, c'est-à-dire c'est autant de passages vers un ailleurs, mais un ailleurs qui est ici. C'est ça. Il n'y a pas de transcendance, l'ailleurs est ici et c'est à chacun. Justement, c'est la force de l'imagination, c'est la force de tout ce que les poètes, les grands artistes ont quelquefois enjoué leur vie pour exprimer. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est ça aussi qui nous fait vivre. C'est ce que j'appelle la quête éperdue, justement, de ce qui n'a pas de prix. Et chacun est habité par cette force-là, par ce besoin de merveilleux, par ce besoin d'être ébloui par ce qui peut advenir et ce que ça peut ouvrir comme chemin. Mais le malheur est que tout est fait, et de plus en plus, pour nous convaincre qu'il n'y a pas de sortie. Et ce merveilleux, on peut le trouver aussi bien dans la contemplation d'un tableau, dans la lecture d'un texte comme un roman gothique, noir, anglais du 19e siècle, ou dans la beauté d'un visage. Oui, oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rencontres avec des êtres, mais avec des textes, avec des musiques, avec des paysages, qui font que tout d'un coup la vie change. La vie change parce que il y a eu un autre horizon qui s'est ouvert. Et c'est dans le fond, on ne vit de tout ce que nous ne sommes pas. On ne vit que de ces passages là qui s'ouvrent à mesure qu'on avance. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui a peut-être et sans doute été très important dans votre vie quand vous étiez jeune, très jeune, Annie Lebrun, c'est André Breton. Nous allons l'écouter parler du surréalisme, c'est une archive INA de 1951. Le surréalisme, à cette époque, me fait l'effet d'un navire superbe et dématé, qui pourrait d'un instant à l'autre aussi bien aller par le fond, qu'aborder triomphalement une terre où l'on connaisse enfin la vraie vie dont parle Rimbaud. La tempête l'environne, mais elle est aussi en lui. Il est tout à fait hors des circuits dans lesquels jusqu'à lui a pu se chercher l'aventure. La vie de ceux qui y participent est passionnante, mais terriblement exposée. Qu'entendez-vous par exposée ? Les ponts sont alors coupés, aussi bien avec le monde littéraire qu'avec le conformisme policé, quelque forme insidieuse qu'il puisse prendre. Je revois encore, c'était le matin du 4 décembre 1930. Le studio 28 où passait l'âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir l'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés, les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. Ces exploits étaient le fait de deux associations qui se proclamaient la Ligue des Patriotes et la Ligue anti-juive. On pouvait mesurer là, des visus, la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants ou prétendus tels. Comment André Breton a-t-il modifié votre existence, Annie Lebrun ? Parce que il m'a semblé, compte tenu de ce qu'était à ce moment-là le paysage intellectuel, que c'était une des rares personnes qui n'avait pas démérité de sa jeunesse, de ses rêves de jeunesse. Et ça, pour moi, ça a été d'une importance considérable. Parce que, si je cite à nouveau Rimbaud, c'est que il y a dans Rimbaud justement cette force d'ébranlement qui touche génération après génération tous les adolescents et qui font que chacun reconnaît en ce que dit Rimbaud justement l'idée d'une vraie vie, l'idée d'une autre vie qu'il faut réinventer. Il faut changer la vie, il faut réinventer le monde, il faut réinventer l'amour. Eh bien, Breton est un des rares à avoir entendu cette parole de Rimbaud et avoir fait en sorte que sa vie a suivi cette injonction-là et qui, contrairement à la majorité, il n'a jamais démérité de sa jeunesse. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et vous, quand vous étiez adolescente, quels étaient vos rêves ? C'était surtout de ne pas ressembler à ce qu'on voulait que je sois. C'est-à-dire ? Mon entourage... Bon, de toute façon, c'est l'histoire aussi que de Rimbaud qui dit qu'il ne trouvera jamais une main dans ce... Enfin, que la vie est toujours... Qu'on essaye, la vie sociale, qu'on essaye de nous refiler, si je puis dire, est toujours au-dessous de nos désirs. Et c'est un peu... C'est en partant de cette idée-là et de l'idée qu'il y a que l'horizon est quand même plus large que ce qu'on veut bien nous laisser entendre, que c'est ça qui a déterminé la façon dont j'ai vécu jusqu'à présent. En tout cas, il y a dans vos textes une force qui vient de la colère, de l'insoumission, de la révolte sociale contre justement ce monde aussi homogène, aussi globalisé, aussi post-capitaliste qu'on veut essayer de nous rendre acceptable. Et il y a aussi une croyance très forte que... la poésie va pouvoir nous sauver du pire. Oui, je pense que oui. Enfin, c'est pas qu'elle va nous sauver, mais que c'est quand même un des rares recours qu'on ait comme diapason, si je puis dire. Et il y a cette chose justement qui me revient de Breton qui dit l'étreinte poétique comme l'étreinte de chair, tant qu'elle dure, défendent tout échappé sur la misère du monde. Eh bien, c'est un peu de ça dont il s'agit. Effectivement, là on a la mesure de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vraie vie. Alors, ne nous racontez pas d'histoires, c'est autre chose, cette vie-là, cette vie de la passion, c'est autre chose que ce qu'on essaye de nous refiler. Je vous propose d'écouter la voix de Pierre Reverdy à propos de la fonction poétique, archive INA, 22 mars 1948. Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie ? En est-il par contre un autre qui soit plus que celui-là, aisément tourné en dérision et méconnu, si souvent employé et si mal défini ? D'ordinaire, c'est le mot. Ce sont les mots qui servent à signifier, à définir les choses, à les dégager de leur poids, à les rendre légères, mobiles et malléables par l'esprit. Or, il semblerait qu'en ce qui concerne celui-ci, on ait chargé la chose du soin qui incombait aux mots. On dit que telle ou telle chose est poétique. On croit s'entendre, mais on s'aperçoit vite que l'on ne s'entend pas si bien dès qu'on veut essayer de préciser pourquoi et comment telle ou telle chose est poétique ou ne l'est pas. Et peut-être tout simplement parce que, d'abord, la chose que l'on prétend désigner, on la place là où elle n'est pas. La poésie n'est pas dans les choses, à la manière où la couleur et l'odeur sont dans la rose et anémane. Elle est dans l'homme, uniquement. Et c'est lui qui en charge les choses en s'en servant pour exprimer. Elle est un besoin et une faculté, une nécessité de la condition de l'homme, l'une des plus déterminantes de son destin. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser. Tout le monde sait, tout le monde comprend, qu'un poète ne pense pas de la même façon qu'un philosophe, un mathématicien, un savant, c'est-à-dire que pour lui, les choses ont dans le réel une autre valeur et que sa sensibilité et son esprit réagissent à leur contact de façon tout à fait différente. Il y a autant de façons d'être au monde que de catégories de sensibilité et de tournures d'esprit. Pierre Reverdy a été important dans la construction de votre argumentation sur l'état de notre monde. Oui, parce que justement, il dit à quel point la poésie est liée à la liberté, justement, quand il insiste sur le fait qu'il y a autant de façons d'avoir un rapport poétique au monde qu'il y a d'être, si on peut dire. C'est que chacun, c'est la singularité de ce rapport que les poètes réveillent en quelque sorte en nous. Et c'est pour ça que c'est si important, et c'est pour ça qu'il y va de la liberté, parce que, comme il le dit, la poésie n'est pas dans les choses, mais elle est justement dans le regard qu'on porte sur les choses et dans cet espace intermédiaire entre les êtres, entre les choses, et c'est tout d'un coup là quelque chose, un autre monde naît. C'est toujours cet autre monde qui peut naître. Mais cet autre monde, d'après ce que vous écrivez, Annie Lebrun, il nous serait de plus en plus soustrait, de manière assez inéluctable, parce que ce qu'on appelle les décideurs, ils nous autorisent plus à y aller dans cet autre monde, ils ne nous le permettent plus. Voici ce que vous écrivez en ouverture de votre dernier livre. En fait, c'est la guerre, une guerre qui dure depuis longtemps, une guerre qui se déroule sur tous les plans, une guerre qui n'a pas de frontières et qui s'aggrave à mesure que l'anonymat du pouvoir accroît sa puissance en même temps que la faiblesse de ceux qui veulent s'y opposer. Oui, c'est que, bon, il y a déjà pas mal de temps, il y a presque 20 ans, je m'étais interrogée sur ce qui se passait, parce qu'il me paraissait très difficile de respirer. Et c'était à ce moment-là que j'avais vu que les changements économiques faisaient en sorte qu'on se trouvait dans ce que j'appelais le trop de réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de... justement, la production était telle qu'il y avait un envahissement de tout notre monde par les choses, par le trop d'images, par le trop d'informations, par le trop de... Bon, et j'avais fait déjà ce constat-là. Et puis, au bout de quelques années, enfin, 10-15 ans après, je me suis aperçue que non seulement rien ne s'améliorait, mais que ça s'aggravait considérablement avec ce que j'ai appelé un enlaidissement du monde. Et là, je ne comprenais pas. Et je vivais ça très très mal. Bon, on pouvait constater les catastrophes écologiques, toutes les formes de dévastation, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'était tellement aggravé. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on était maintenant arrivé à un monde, à une société qui produisait plus de déchets qu'elle ne pouvait en résorber. Et que, de tous les côtés, on avait la preuve de ça, du réchauffement climatique, à toutes les formes de catastrophes qu'on connaît. Et donc, il fallait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que cette... cet enlaidissement du monde était lié à ça, donc à une sorte de dévastation générale du monde, mais d'un autre côté, à un désir de aussi pour que ça continue, parce que malgré les discours bien pensants et toutes les résolutions qu'on entend de part et d'autre, on continue à agir comme avant. Pour que ça continue, eh bien, il y avait justement tout ce processus d'esthétisation qui faisait qu'on était en train de fabriquer une sorte de beauté complètement frelatée qui servait à camoufler d'un côté les désastres qui allaient croissant et d'un autre côté à imposer, à remplacer en quelque sorte le monde qu'on était en train de dévaster. C'est-à-dire qu'on nous... On nous fait croire que la beauté n'existe plus, que la laideur devient un impératif catégorique et que de cet enlaidissement du monde, eh bien, nous ne pouvons nous y soustraire, que on est conduit à cet enlaidissement du monde. On est conduit à cet enlaidissement du monde, à ceci près que, justement, c'est quand même c'est un système assez complexe et j'ai eu assez de mal à essayer de débrouiller ça, c'est de voir qu'en même temps, On y consent, mais dans le même temps aussi, on met en avant la beauté. Donc c'est une sorte que à chaque fois on vous propose quelque chose. Donc c'est un système complètement pervers, puisque à chaque fois on vous propose la chose et son contraire. Et du coup, on arrive à une marchandisation de tout. Et cette marchandisation de tout pour annihiler les forces qui sont chez les êtres qui sont en mesure de s'opposer à tout cela, il fallait qu'il y ait cet investissement maintenant de ce que j'appelle ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire du monde sensible et ce à quoi on assiste et avec pour résultat cet enlaidissement du monde. Alors vous appliquez votre réflexion dans plusieurs disciplines et particulièrement dans celle de l'art et vous faites remarquer avec des argumentations vraiment très très serrées et très convaincantes que dans le monde de l'art plus particulièrement, dans cet enlaidissement du monde, il y a eu une sorte de volonté de la part des décideurs économiques, qu'ils soient directeurs de musées, conservateurs, acheteurs, patrons du CAC 40, puisque maintenant les patrons du CAC 40, pour être véritablement des patrons du CAC 40, doivent avoir leur musée personnel partout dans le monde, et bien qu'on assiste depuis une bonne vingtaine d'années à une transmutation de l'art en marchandise et de la marchandise en art. Oui. Et que cela serait peut-être inéluctable aussi. Alors, j'espère... La marche de tout ça est quand même très inquiétante. Donc, je pense que c'est à chacun d'eux. C'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une sorte de prise de conscience. Et c'est à chacun de faire en sorte que ça n'aille pas jusqu'à l'anéantissement de toutes les armes sensibles qu'on avait. Mais il n'empêche que, en remarquant la coïncidence des dates et de la façon dont les choses se sont mises en place, bien que je ne croie pas du tout à la théorie du complot, mais la marche du capital est telle qu'on assiste à une marchandisation de tout qui sert justement aussi, qui est la seule réponse au cours catastrophique de ce monde-là. Donc, du coup, s'il fallait aussi circonvenir le lieu où, jusqu'à présent, se forgeaient des armes contre ce monde. Parce que, quand même, l'histoire de l'art du XXe siècle se confond avec une sorte de continuelle quête de la liberté, une continuelle quête d'émancipation des êtres, des comportements. Or, sous prétexte d'art, maintenant, il y a eu cette collusion qui se produit, c'est à partir des années 90, c'est-à-dire au moment où il y a la financiarisation de l'économie, se produit cette collusion de l'art et de l'argent, avec un enthousiasme de part et d'autre, et c'est ça qui me paraît consternant, aussi du côté en particulier des gens qui étaient censés s'occuper de la beauté. De la beauté. Alors citons des exemples, puisque vous y allez franco dans votre bouquin. Citons par exemple Jeff Koons, ou citons Damien Hirst. Alors Jeff Koons, vous nous expliquez comment Jeff Koons, effectivement, lui utilise avec une redoutable efficacité une stratégie de communication et aussi une stratégie de cotation de ses prix. Il utilise le grand capital pour pouvoir faire œuvre d'art. Damien Hirst aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui brouillent les pistes et qui sont considérés comme les plus grands artistes d'aujourd'hui. Oui. Et qui détruisent, selon vous, l'idée même de la beauté. Oui, ça, c'est évident, mais ce qui est très grave, c'est que... En nous prenant pour des gogos, nous qui regardons leurs œuvres. Oui, et le très grave, c'est que le personnel culturel des musées, des fondations, les sert et même les aide, enfin plus que les aides, les finances. Donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose de très grave là-dedans. Bon, d'abord, c'est plus des artistes, c'est des entrepreneurs, mais c'est des véritables entrepreneurs. Et on sait comment ça fonctionne, ces entreprises-là. Ne parlons pas de la valeur financière de tout ça qui constitue une sorte de banque parallèle, enfin de marché parallèle. Bon, mais d'un autre côté, ce qu'il y a de grave, c'est de voir comment on assiste à une sorte de matraquage sensible qui fait que il y a une sorte de terreur qui impose ça comme si c'était l'expression. On dit que c'est l'art contemporain, comme si c'était l'expression d'aujourd'hui et la seule expression d'aujourd'hui. Donc il y a une sorte de terreur qui passe par là, de terrorisme. Et dans ce monde où on veut nous faire croire que la laideur serait la beauté, sous prétexte que la laideur est très chère et qu'elle se pare des habits de la beauté, eh bien dans ce monde-là... le corps disparaît, le corps est aseptisé, le corps est construit à l'identique, le corps est homogénéisé, le corps devient une sorte de modèle univoque, unisexe, qui là aussi imposerait une sorte de vision du monde à laquelle il faudrait que nous toutes, nous tous, nous devons nous y plier, sous faute de ne plus appartenir à ce monde commun. Oui. Alors, ce qu'il y a aussi de caractéristique avec cette sorte d'art dit contemporain, c'est sa brutalité. C'est sa brutalité physique. D'abord, c'est son gigantisme. Tout d'un coup, on se trouve devant des trucs monumentaux qui sont de l'ordre des effets spéciaux et qui, en même temps, produisent une sorte de sidération et qui font que on n'a pas la distance nécessaire pour la pensée, tout d'un coup, est bloquée. Et ça joue, on est en train d'imposer, on est en train de nous imposer un monde de la même façon et quelque chose qui expulse tout ce qui n'est pas lui. Et là, il m'a semblé qu'on se trouvait avec à la mise en place de processus qui rappellent des processus, les processus d'expulsion, d'exclusion, qui s'exercent à l'égard des territoires, mais aussi à l'égard des êtres aujourd'hui. Bon, alors il y a ça d'un côté, et par ailleurs, c'est aussi ce qui est très très grave, c'est que de ce fait, il y a une mise en avant de la sensation, sinon du sensationnel, contre la sensibilité. Et tout d'un coup, à la fois on se trouve dans une position où il est pratiquement impossible de prendre une distance critique intellectuellement, mais aussi sensiblement. Et ça, c'est très grave. Et tout ça s'est imposé comme si c'était l'art contemporain. On nous enlèverait notre propre sensibilité, nos propres réactions corporelles, nos propres émotions, notre faculté de sensation. Oui, moi je pense que c'est quelque chose comme ça. Et je pense qu'à travers ça se produit une entreprise de domestication sans précédent qui passe par une reconfiguration de la sensibilité et avec cette forme de dépassionnalisation, de désensibilisation. Avec un régimentement du corps, oui, de l'âme et de l'esprit. Oui, oui. Et aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a aussi cette collusion de l'art, de soi-disant art, de la finance et des industries du luxe. Qui véhiculent, eux aussi, un modèle du corps et un modèle de consommation du monde. Voilà. Et de sexualité aussi. Et de sexualité, oui, et de beauté complètement frelatée, qui aussi introduit d'abord une sorte d'insensibilité et aussi une sorte d'indifférence à tout. tout est possible puisque tout est réduit dans le fond à la circulation des marchandises. Et puis on assiste aussi à cette gadgetisation du corps et qui va avec une désérotisation des êtres aussi. Et nous serions nous aussi des marchandises. Ah oui. Ah oui, avec justement le spectre de l'exclusion, de l'expulsion. C'est-à-dire si vous ne consentez pas à rentrer dans ce monde-là, vous êtes réduit à l'état de déchet. Et c'est ce qu'on voit avec toutes les populations maintenant qui arrivent et dont on ne sait plus quoi faire. Hein. Et dont on dit carrément c'est de l'ordre du déchet. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Annie Lebrun, Célébration de la beauté, Handel. Nous allons écouter un extrait de Rinaldo. C'est Angela Georgiou que nous venons d'entendre. C'était à Covent Garden en 2002. Merci pour ce frisson de beauté, Annie Lebrun. Quand éprouvez-vous justement la sensation de beauté? Souvent? Tout le temps? Non, pas du tout. Mais c'est un peu c'est, le propre justement de cette beauté-là dont parle justement Rimbaud, qui n'est pas cette, qui est tout l'inverse de ce qu'on essaye de nous imposer. C'est bien justement qu'elle se... comme le merveilleux, c'est la même chose, c'est qu'elle se manifeste où et quand on s'y attend le moins. Et souvent même du point le plus obscur du paysage. Et je pense que ça aussi, c'est de savoir aussi que c'est comme ça et d'être en mesure de faire en sorte que ça puisse arriver. Je pense que c'est très important. Et c'est bien ça aussi dont ce monde-là essaye de nous convaincre que ça n'existe pas, qu'on ne peut pas en sortir. Vos livres parlent de poésie, de philosophie, de politique, politique de la vie. Vous êtes lu par des jeunes générations, vous êtes lu par des écrivains, des poètes, des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont en révolte contre la société. Je vous propose d'écouter le point de vue d'un écrivain, d'un poète et d'un essayiste qui a écrit un livre avec un titre qui vous va bien, puisque c'est de l'avantage d'être en vie. C'est Mathieu Terrains, que vous citez d'ailleurs à l'intérieur de ce nouvel ouvrage. Écoutez ce qu'il dit de vous, Annie Lebrun. J'ai découvert l'œuvre d'Annie Lebrun à la fin de l'adolescence, et au fond, les raisons pour lesquelles j'ai immédiatement adhéré à celle-ci, comme on s'inscrit dans un mouvement dont on pressent la force déterminante à un âge où on se cherche, n'ont pas changé, pour l'essentiel. D'abord, il y a son style, cette langue lyrique et sauvage à la fois, dont la beauté ardente et hautaine témoigne de l'esprit dont elle procède. Quelque chose se cabre là, contre la direction qu'a prise la civilisation occidentale mondialisée, et cette chose ne peut qu'émouvoir et plaire à ceux qui n'ont pas entièrement intégré qu'il faut se soumettre à l'ordre des choses. Ensuite, il y a le fond de son œuvre, parfaitement accordé à l'âme insurgée d'Annie Lebrun. Du surréalisme à Sade ou Raymond Roussel, les œuvres clés de son panthéon sont des œuvres d'urgence qui s'élèvent contre la raison résonante, qui procèdent d'une intensité qui va dans le sens de la vie et dont l'actualité est permanente depuis que l'individu se doit de se débattre avec les logiques et les idéologies uniformisantes à l'œuvre aujourd'hui. L'œuvre d'Annie Lebrun est un acte de passion, le fruit d'une pensée passionnée qui évite avec flamboyance et le conservatisme et la démagogie progressiste. Elle déjoue et décrypte ce qui se présente même sous la forme de l'émancipation, en tant qu'il nie le cœur intime de chaque être humain. Les esprits de système ne sont pas son genre. Tout ce que veut être la vie est comme mis au piqué par les systèmes, qu'ils soient techniques, économiques, politiques, artistiques. Annie Lebrun tend par ses livres à délivrer la vie. Elle le fait en soutenant avec une cohérence remarquable le fait que tout se tient, de nos bonheurs et de nos misères, que l'idéologie, l'économie, la laideur et la mort ont partie liée, et que face à eux, le primat de la sensibilité est à affirmer sans cesse. Son dernier livre, Ce qui n'a pas de prix, que je situerai dans la constellation de ses essais manifestes à la suite du trop de réalité, en est une parfaite démonstration. En lisant Annie Lebrun, on a le magnifique, la magnifique sensation que de l'avenir et du toujours sont encore possibles. Annie a commencé avec la poésie, mais elle ne l'a jamais quittée, au fond, dans ses essais. Raison pourquoi j'avais intitulé, il y a quelques années, un texte consacré à elle, en reprenant Clausewitz qui écrivit que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, qu'avec elle, c'est la poésie qui est continuée par d'autres moyens. Annie Lebrun, réaction? Ben oui, vous ne vous y attendiez pas, c'est non, la surprise. Non, je ne m'y attendais pas. Bon, ben, j'ai écouté quoi. Non, mais il y a l'idée du manifeste. C'est vrai que depuis maintenant une petite quarantaine d'années, dans des registres différents, malgré votre jeunesse aujourd'hui, eh bien, il y a l'idée que vous nous alertez sur l'état de la société, sur la financiarisation du monde, sur cette laideur qui augmente, sur les possibilités de la révolte. Vous nous réenchantez aussi, parce qu'on a parlé de Victor Hugo tout à l'heure, mais vous avez redécouvert et vous nous avez fait redécouvrir l'œuvre immense, j'entends immense dans tous ces registres, de Victor Hugo, en étant commissaire d'une exposition il y a une dizaine d'années sur Victor Hugo, et en faisant appel à tous les registres qu'on ne connaît pas tellement de Victor Hugo. Je veux dire les tables tournantes, l'hypnose, les dessins au noir, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en vous lisant, qu'on découvre les plis de la réalité, l'inconnu des œuvres qu'on croit connaître, comme Victor Hugo. Et on découvre aussi que la force de l'imaginaire peut-être nous faire, comme venait de le dire tout de suite là, Mathieu Terrens, peut nous faire nous révolter peut-être encore plus, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une société de consentement à notre asservissement. Oui, moi c'est ce que je pense, c'est ça, c'est les seuls ressorts, les armes qu'on a encore, c'est ça. Oui. Mais comment s'en déprendre de ce consentement à cet asservissement ? À un moment, j'ai dit à la fois le sabotage et la désertion, c'est-à-dire de prendre le plus de distance avec ce monde comme il va, essayer d'être en dehors, ou plutôt en deçà de ce qui se joue au devant de la scène, et d'essayer d'un tout petit peu voir qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre là. Et ça, c'est. Mais je pense qu'aussi chacun a des ressources, justement. J'ai terminé même avec cette chose tellement qui me bouleverse de Reverdy qui dit : il faut l'immensité de la mer dans une goutte d'eau. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Quand on sait aussi qu'il y a l'immensité de la mer dans une goutte d'eau, on peut aussi regarder le monde différemment. Mais il y a aussi, en dehors de vos fulgurances poético-politiques, Annie Lebrun, dans ce dernier livre, mais aussi dans les autres, il y a aussi des informations qui nous permettent de nous aguerrir face à ce monde qui vient. Je veux parler, par exemple, de la manière dont les jeunes gens portent des jeans en bas des hanches, sans savoir pourquoi ni comment. Vous pouvez nous le dire, le pourquoi et le comment ? Oui, ça m'avait beaucoup, beaucoup intriguée. Pourquoi tout le monde, justement, depuis des années, portait les... Ça fait longtemps que ça dure. Puis quand même, comme j'habite pas loin des grands boulevards, alors surtout le samedi, ce que je voyais défiler, tous les jeunes gens, ça tombait, les jeans, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai un ami qui habite les États-Unis, New York, et qui m'a dit, mais tu sais d'où ça vient cette histoire-là, non ? Il m'a dit, ça vient de Harlem. Et parce que il se trouvait que les jeunes adolescents dont les frères étaient en prison, allaient de temps en temps les voir en prison, et ils avaient remarqué que leurs frères avaient les pantalons qui tombaient parce que le règlement de la prison leur avait enlevé. Les ceintures pour qu'ils ne. Bon, comme ça se fait en général. Et tout d'un coup, eux ont eu cette idée, et moi je trouve ça formidable au départ, de reprendre ça comme signe d'affirmer quelque chose de tout à fait autre. Mais on est dans un monde où effectivement il y a des chasseurs justement de signes et où on va piller en quelque sorte ce qui est tout signe du négatif pour le neutraliser. On a été prendre ça, on en a fait une mode, et tous les jeunes gens, et puis tous les crétins et toutes les classes sociales ont commencé à porter ces jeans et à payer très cher ces jeans qui tombaient sur les hanches. Vous nous apprenez aussi, Annie Lebrun, que nous vivons dans un monde de l'art contemporain où certains artistes, et pas des moindres, puisque vous citez Anish Kapoor, grand artiste contemporain, peuvent s'approprier et acheter des couleurs. Oui, ben ça c'est la fameuse histoire et ça m'a quand même ébranlée. Là, tout d'un coup, c'était une sorte et en être les seuls bénéficiaires. Voilà, une révélation. Donc, quand j'ai appris que Amis Kapoor a acheté le Vanta Black, donc c'est une façon noir absolu qui d'ailleurs vient de recherche de l'armée, ce qui n'est pas non plus indifférent, et qui a acheté le monopole de cette couleur-là. Et donc là, il m'a semblé que quelque chose de très grave était en jeu parce que tout d'un coup, il y avait une sorte d'appropriation, de mainmise sur quelque chose du monde. Tout d'un coup, le noir était la propriété de quelqu'un. Et puis, il y a aussi toutes ces grandes marques internationales qui se prévalent de l'idée de beauté du monde, qui sont capables de l'afficher grâce à des photographes qui sont payés très cher, qui... Ces grandes sociétés internationales, citons par exemple Benetton, qui, sous prétexte de sauver la nature, en profitent pour faire des campagnes de mercantilisation. Oui, et puis c'est aussi toute l'histoire des fondations, des fameuses fondations qui, soi-disant, font des cadeaux, font des cadeaux hein, aux populations entières du monde et ouvriraient le monde des arts au peuple. Quand on sait à quoi ça servent ces fondations, d'abord on sait très bien à quelle fin d'optimisation fiscale, comme on dit avec euphémisme, ça sert, mais que d'un autre côté, ça couvre des véritables exactions concernant, je ne parle pas seulement de la délocalisation qu'on connaît, mais concernant l'exploitation des territoires, comme par exemple Benetton en Amérique du Sud, qui a déplacé des populations indiennes pour pouvoir avoir accès à certaines terres, etc. Donc tout ça, ça couvre des choses qui sont immondes. Et ça, il faut bien en être conscient. Et il faudrait que les journalistes aussi, dont ils ont commencé déjà depuis un certain temps, mais continuent à montrer de quoi ça retourne et à quoi sert cette mise en place d'une soi-disant beauté ou d'une soi-disant activité artistique mise en avant. Parce qu'en plus aussi maintenant, comme c'est très difficile de camoufler tout ça, il y a aussi ce retournement qui se passe à travers ce qu'on appelle le luxe éthique, par exemple. Alors ça c'est quand existe. Même, ça existe, le luxe éthique. Mais il faudrait apprendre ce que c'est. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des t-shirts à peu près entre 200 ou 300 euros, qui sont faits de telle façon, pour soi-disant, c'est qu'on n'a pas exploité comme on le faisait d'habitude les gens. Et puis, en plus, on vous gratifie, il y a un slogan en général souvent féministe, etc., pour vous montrer que vous êtes d'avant-garde, que vous êtes progressiste. Mais c'est ça, le luxe éthique, le luxe équitable. Donc ça veut dire aussi que toutes les immondes choses qui ont été faites avant, c'est une façon d'avouer. Mais à nouveau, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on nous propose de racheter les atrocités qui ont été faites. Maintenant, comme si les clients devaient être culpabilisés par les saloperies qui ont été faites par les producteurs. Et donc c'est toute cette nouvelle industrie du luxe éthique. Dernière question, Annie Lebrun, vous terminez sur le fait que nous n'avons plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps pour pouvoir atteindre la beauté, pour pouvoir savoir la célébrer. Mais nous avons quand même le temps de vivre dans l'au-delà de nos jours, ici et maintenant. Je n'ai écrit ce livre que pour nous le rappeler, malgré tout. Malgré tout quoi ? Malgré tout, parce que aussi, c'est quand même, je pense aussi que chacun est en mesure, même de façon très immédiate, de prendre des distances avec ce monde-là. Et que l'invention de l'ici, en quelque sorte, appelle l'ailleurs. Hein, c'est ça. Merci beaucoup Annie Lebrun, merci pour tous vos textes et merci pour ce dernier qui sort en ce moment même et qui s'intitule « Ce qui n'a pas de prix ». Ce qui n'a pas de prix, beauté, laideur et politique aux éditions Stock. Et on va se quitter avec une voix que nous aimons beaucoup, une voix que vous avez choisie, c'est Arthur and the Johnsons. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Enough, all scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So it's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Et c'est avec Anthony and the Johnsons, qui porte un nouveau nom maintenant, que nous allons nous quitter. Non sans avoir remercié Hélène Biziot qui a réalisé cette émission, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Jules Bruxelles qui l'ont préparée, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique ce soir, Grégory Vallon. Alors il nous reste une poignée de secondes et comme Annie, vous êtes venue avec des petits papiers, ben on va se quitter avec votre voix, vous allez lire un de vos petits papiers. C'est une phrase que Arthur Cravant a écrite en 1912 et j'aimerais bien qu'on y réfléchisse. Et donc il écrivait « Dans la rue, on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. » Merci beaucoup Annie.